ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire À bout de souffle, le film de Jean-Luc Godard. Quand j'ai fait À bout de souffle, il m'avait raconté une histoire. Il m'a dit, je vais te donner le scénario après. Et il m'a donné le scénario, c'était 3 pages. Il avait marqué, un type vole une voiture, tue un flic et est amoureux d'une femme. Et puis c'est tout. Et je lui ai dit, bon, puis il me dit, non, mais je te donnerai plus tard le 17 août. Et le 17 août est arrivé, il y avait toujours 3 pages et il improvisait de tous les jours, ce que je trouve formidable. Jean-Paul Belmondo à l'émission Aujourd'hui en 1964. Jean-Paul Belmondo qui parle en quelque sorte dans cet extrait de l'esprit de très grande liberté qui va régner sur le plateau de Jean-Luc Godard quand il tourne À bout de souffle. Dès sa sortie en 1960, À bout de souffle va devenir l'un des films emblématiques de la Nouvelle Vague française. Godard va dire plus tard toutefois qu'il voulait tourner un film de gangster avec À bout de souffle, mais qu'au fond, il a plutôt tourné Alice au Pays des Merveilles. Comme j'avais fait du cinéma avant, ces petits rôles, il y avait la caméra, il y avait le son, il y avait des lumières énormes. Tout d'un coup, je me retrouvais à tourner, il n'y avait pas de lumière pratiquement, et de loupiottes comme là, c'est tout, et caché. Il n'y avait pas de son, parce qu'il n'y avait pas de son direct, puisqu'on a synchronisé après. Donc quand je disais « ça ne sortira jamais », c'est pas que je trouvais le travail de Godard mauvais, ça serait une erreur de dire ça, j'aimais beaucoup ça. Non, mais je me disais, comme il n'y a pas de lumière, comme il n'y a pas... C'est pas possible. Que ça. Et donc, le film c'est fait comme ça. Donc, on avait l'impression, avec Gene Siebert, on s'amusait, si vous voulez, comme des copains qui sont en train de faire un truc pour la classe. Vous voyez que ça va pas... Donc, il n'y avait même pas l'appréhension ou le trac, de dire, mon Dieu, si je vais être mauvais. On arrivait là vraiment très, très décontracté. Et puis, sincèrement, j'étais persuadé que ce film ne sortirait pas, malheureusement. Je disais, mais ça devrait être comme ça, le cinéma, mais bon. Et À bout de souffle est sorti. Et vraiment, du jour au lendemain, vous savez, comme dans les contes de fées... Tout le monde m'a appelé de partout, tout le monde voulait tourner avec moi, et ça a été inouï, si vous voulez, et totalement inattendu. Et puis, à nouveau, Jean-Paul Belmondo, cette fois-ci à l'émission RDI à l'écoute le 23 mars 2000, pour nous raconter l'histoire du film À bout de souffle, la critique de cinéma Hélène Faradji, qui est également rédactrice en chef du webzine revue24images.com. Hélène Faradji, bonjour. Bonjour. Hélène, dans les notes que vous m'avez fait parvenir pour préparer cette émission, vous dites, et je vous cite, qu'À bout de souffle est le film le plus emblématique des années 60. C'est pas rien. Pourquoi? Oui, ben, le film français, en tout cas le plus emblématique des années 60. Et c'est assez paradoxal d'ailleurs, parce que Godard, c'était pas le critique le plus influent de la bande des Cahiers du cinéma qui vont tous faire des films et créer la Nouvelle Vague. C'était pas le plus prolifique. C'était même pas le premier film issu de cette école-là de cinéma. Claude Chabrol en avait fait avant lui, Truffaut aussi. Mais pourtant, dans À bout de souffle, il y a quelque chose de particulier qui est cette façon unique de capter l'air du temps. Oui. La jeunesse, la fraîcheur, l'innocence, l'espèce de volonté de tout changer qui est dans cette jeunesse des années 60 dans les rues de Paris et que Godard va véritablement incarner dans son film. Il y a quelque chose, la photo là, d'époque, le cliché qu'on prend et qui fige une époque justement au moment où on y est. Oui, absolument. On a l'impression de plonger dans les années 60, dans les rues de Paris en 1960 quand on regarde À bout de souffle. Un mot sur Godard, parce que quand même, ça vaut le détour. On a affaire à une espèce d'enfant terrible du cinéma français. Déjà, en entendant Jean-Paul Belmondo, on a une petite idée de qui on a affaire. Mais ce côté-là, ce côté révérencieux, presque délinquant, il arrive très, très tôt, dès l'enfance, chez Godard. Oui, c'est assez amusant, d'ailleurs, parce qu'il vient d'une famille très bourgeoise. Sa mère vient d'une très grande famille protestante française. Son père est médecin en Suisse. Une grande culture classique qui se transmet dans la famille. Mais Jean-Luc Godard, lui, dès le début, s'affirme un peu comme le mouton noir de la famille. C'est un très mauvais élève. C'est un grand sportif. Il va toujours préférer traîner avec ses copains, faire du sport, que d'aller à l'école. Et puis, finalement, tout son parcours jusqu'à ce qu'il devienne Jean-Luc Godard, donc JLG, c'est un parcours qui est marqué par la rébellion, la provocation... On a presque l'impression que Michel Poicard, qui est le personnage d'À bout de souffle, cette espèce de voyou sans grande envergure, c'est un peu Jean-Luc Godard quand on regarde comment il a évolué. Et comment il en vient, Jean-Luc Godard, le vrai Jean-Luc Godard, comment il en vient au cinéma? Alors c'est assez drôle parce que c'est assez tardif, ça vient vers 17-18 ans, il commence à fréquenter la Cinémathèque à Paris, les ciné-clubs aussi, mais tout ça se fait assez sur le côté, j'ai envie de dire. C'est pas une préoccupation principale pour lui. Par contre, en 1950, ça va commencer à se préciser un peu. D'abord, il s'inscrit, c'est assez bizarre, mais en anthropologie à la Sorbonne, pour peut-être avoir des champs d'intérêt un peu plus variés. Mais il va commencer surtout à écrire des scénarios. Mmh. Donc c'est là, véritablement, que le rapport au cinéma se crée par l'écriture. Il continue aussi à fréquenter ses ciné-clubs, la cinémathèque, commence à écrire quelques textes dans quelques publications sous des pseudonymes. Et là, bizarrement, il arrête tout et il part pendant plusieurs mois tout seul en Amérique latine pour un grand voyage qui va l'amener, en fait, il va partir de New York, il va aller visiter la Colombie, le Pérou, le Mexique, etc. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un des rares cinéphiles de l'époque qui va avoir fait ces voyages-là en Amérique. Mmh. Donc, qui va avoir une connaissance du terrain assez différente de celle de ses collègues. Quand il revient, là, les choses deviennent plus sérieuses pour sa cinéphilie, parce qu'il rejoint l'équipe des Cahiers des Cinémas. Il commence à écrire sur Hitchcock, sur la mise en scène, sur l'importance des auteurs américains. Et commence une séance tellement farfelue que si on l'avait mis dans un film, on n'y croirait pas. Ouais. En 52, il vole la caisse des Cahiers du cinéma. Son petit côté délinquant. Son petit côté délinquant qui s'affirme. Et il file en Suisse où il trouve un travail, grâce à son père, au service audiovisuel de la télévision. Donc il devient caméraman, mais il revole. Et là, il fait un petit séjour en prison, évidemment. Son père le fait interner en hôpital psychiatrique. Bref, ça ne va pas très très bien pour Jean-Luc Godard. Sauf qu'en sortant de tout ce périple-là, il va trouver un travail comme manœuvre sur un chantier de construction d'un immense barrage qui se construit en Suisse. Et c'est là que tout va naître, parce que c'est là qu'il va décider de faire un court-métrage documentaire sur la construction de ce barrage. Et de ce court-métrage qu'il va monter lui-même, qu'il va vendre, il va réussir à récupérer un peu d'argent et à faire son premier court-métrage de fiction, ce qui va le ramener à Paris, etc. etc., ouais. etc. Il a eu la piqûre, ça y est. Il veut faire du cinéma et arrivera donc ce film emblématique À bout de souffle qu'il va tourner en 59. On écoute Jean-Luc Godard en parler au fond du contexte dans lequel va naître ce film-là. C'était pas joué d'avance. Il en parle à l'émission Cinéaste de notre temps en 1970. Moi, je suis tombé sur un producteur que je connaissais depuis 2 ou 3 ans qui m'a dit « Est-ce que vous n'avez pas 2 ou 3 sujets pour moi ?» qui était de Bourgard. Et je lui ai dit les sujets, ce que je veux faire au cinéma. J'aimerais bien le faire, mais avec vous, ça ne marchera pas. Donc, c'est pas la peine que je vous les propose. Alors, aussitôt, quoi, qu'est-ce que c'est apportez-moi ça tout de suite. T'es un peu vexé que ça soit pas pour lui. Et je lui ai apporté, il a dit, mais si, c'est tout à fait pour moi, on va le faire. Il était dans une situation financière où il fallait qu'il risque également, parce qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. Il était en faillite deux mois après. Moi, j'étais dans la même situation, c'est-à-dire on était tous les deux tout à gagner et absolument rien à perdre. Et grâce à l'amitié de François et de Chabrol, qui m'ont prêté leur nom pour cautionner l'aventure, il a trouvé un peu d'argent. Et ça s'est fait comme ça. Alors, Hélène Faradji, ce fameux film, À bout de souffle, on le comprend très bien en écoutant cet extrait, aurait très bien pu ne jamais se faire. Et ce qui a été très, très important, il le signale, Jean-Luc Godard, c'est François Truffaut, oui. C'est Claude Chabrol. En fait, il y aura une équipe du tonnerre sur ce film. Voilà, alors cette solidarité de la nouvelle vague, on en parle souvent, mais elle est bien réelle et c'est ce qui a mené à la création de tous ces films-là. Ils ont tous travaillé sur les films des uns des autres. Mais le cas d'À bout de souffle est un petit peu plus particulier parce qu'effectivement, Georges de Beauregard, qui est le jeune producteur qui a pris tous ces jeunes cinéastes sous son aile, à ce moment-là n'a fait que des courts-métrages. Donc il n'est pas encore tout à fait assez établi. Et effectivement, en 59, quand Godard a cette idée de film, il n'a pas énormément de ressources. Mais au même moment, Truffaut, lui, est au Festival de Cannes et il est en train de gagner la Palme d'Or pour les 400 coups. Ouais. Donc ça vient d'un coup de mettre la nouvelle vague sur la place publique, de marquer la naissance publique de la nouvelle vague. Et en fait, à la fois, c'est un coup de pouce pour Godard, mais ça le pique aussi au vif. Et donc, quand il voit comment son copain vient de gagner et pas lui. Et donc, en fait, il décide de partir pour Cannes, en plein festival. Et pendant le festival, il va convaincre Truffaut et Chabrol de cautionner sa première idée de long-métrage, celle d'À bout de souffle. Et c'est pour ça que sur l'affiche, encore aujourd'hui, d'ailleurs, on voit Chabrol, conseiller technique, et Truffaut, scénario original. Parce que, en fait, le Fait divers que raconte À bout de souffle, au départ, Truffaut voulait en faire son premier film. Donc c'est lui qui avait commencé à écrire les fameuses trois pages dont parlait Belmondo. Ces trois pages-là, elles sont de Truffaut. Godard va demander à Truffaut d'étoffer un petit peu ce que Truffaut va faire. Et effectivement, Godard, sa touche à lui, c'est de dialoguer le film au jour le jour, pendant le tournage, avec ses acteurs. Donc c'est en fait un scénario qui est co-écrit d'une certaine façon par Truffaut et Godard. Parce que le tournage, puis on va y revenir, mais ce sera en soi toute une histoire et toute une aventure. Mais d'abord, essayons de voir un peu à quoi on fait face quand on parle de cet objet cinématographique qu'est À bout de souffle. Déjà, une bonne manière d'en avoir une idée, c'est d'écouter un extrait de la bande-annonce du film. Le film sort en 1960. La jolie fille, le vilain garçon, le revolver, le gentil monsieur, la méchante femme. Scénario de François Truffaut. La mort. La petite américaine. Le voleur d'auto. Le concerto pour clarinette. La police. Un film de Jean-Luc Godard. Le diable au corps, du rififi chez les hommes, et Dieu créa la femme, Scarface, À bout de souffle. Le meilleur film actuel. C'est fabuleux. C'est formidable. Ce qu'on entend. Mais c'est un publicitaire, Jean-Luc Godard aussi. Ouais. Ça raconte quoi, Hélène Faradji, ce film? Alors, c'est une histoire vraiment toute simple. C'est un fait divers, en fait, l'histoire de Michel Poicard, qui est un petit voyou qui, à Marseille, va décider de rejoindre Paris parce qu'à Paris, il y a Patricia, une jeune américaine qu'il a rencontrée, qu'il aimerait bien revoir. Sauf que sur la route, il se fait arrêter par un policier et il va tuer le policier. Donc, il va être en cavale. Mais il va évidemment pas le dire tout de suite à Patricia quand il va la retrouver à Paris. Et les choses vont se dénouer de façon tragique pour Michel Poicard, dont on va suivre finalement les pérégrinations parisiennes, mais sans qu'il y ait de rebondissement en tant que tel. C'est un film qui capte plus un air du temps que véritablement il raconte une histoire. Je comprends quand on dit que c'est un scénario de trois pages, parce qu'effectivement, il se passe pas grand-chose. On peut pas dire que c'est un film avec une action débordante. Et pourtant, il voulait faire de ce film un film de série noire à l'américaine, un film de gangster. C'était ça l'intention, la figure de Michel Poicard. Il y a un meurtre, il est en cavale, mais ça va donner tout autre chose. Mais cet amour qu'il a, Godard, du cinéma américain, cette intention qu'il a de faire un film quelque part un peu américain, qu'est-ce qui va en rester au bout du compte de cette dimension américaine dans À bout de souffle? L'énergie d'abord. C'est vraiment, c'est un film qui est extrêmement énergique, et ça, on sent que c'est l'influence de du film noir américain, cette façon d'avoir une réalisation extrêmement nerveuse, extrêmement fébrile, très proche des personnages. On est avec eux dans la rue. Ça vient vraiment du film noir. Ensuite, on a la figure tutélaire de Melville qui est là, qui joue le grand écrivain Pavulevsko que la jeune Patricia va aller interviewer parce qu'elle est journaliste. Et Jean-Pierre Melville, c'est celui qui a fait du film noir un genre français. Ouais. C'est-à-dire lui qui a réussi à importer cette idée d'un film urbain, tonique, hanté, cynique, extrêmement dynamique aussi, dans un contexte français. Et ça, on sent que Godard n'a pas mis Jean-Pierre Melville dans son film pour rien. C'est vraiment comme une espèce de figure tutélaire qui vient un peu chapeauter le projet d'À bout de souffle et le placer dans une optique de cinéma plus américain. Ouais. Et cette optique de cinéma plus américain, on va aussi l'avoir, cette optique, dans les bagnoles, le film. Et puis, bien sûr, dans ce personnage extraordinaire, il y a une Américaine à Paris. Il est amoureux de cette Américaine à Paris, Belmondo. C'est Jean Seberg. C'est Jean Seberg, oui. Elle est très importante. Elle est essentielle. Elle est essentielle d'abord parce que c'est une actrice qui va jouer pour Preminger avant de jouer pour Godard. Preminger, c'est un grand cinéaste américain qui est admiré par Godard. Donc là aussi, le fait d'aller chercher cette actrice-là, c'est pas anodin. Au départ, il voulait que ce soit sa petite amie, Godard, qui joue ce rôle-là. Mais finalement, il a préféré opter pour, encore là, un clin d'œil fétichiste cinéphile. Mais c'est aussi une jeune femme qui va incarner la jeune femme des années 60. C'est-à-dire qu'elle arrive dans un contexte où les actrices de cinéma ont tendance à être toutes sur le modèle de Brigitte Bardot ou de Marilyn Monroe, donc très gironde, très féminine, très pulpeuse. Elle va arriver avec une petite coupe de cheveux androgyne. On dit dans le film qu'elle ne porte pas de soutien-gorge, elle est beaucoup plus indépendante, elle est très libre, elle veut sa carrière à elle, elle se préoccupe pas du tout de l'amour que peut lui porter Michel Poincaré, qui a plus l'air de lui courir après d'ailleurs que, qu'autre chose. Donc c'est vraiment l'incarnation de cette jeune femme extrêmement moderne, comme on en a pas vu encore dans le cinéma, en tout cas français, à cette époque-là. Et puis, effectivement, elle va incarner autant qu'instituer un style de féminité extrêmement nouveau. Et puis, je pense aussi que par la présence de Jean Seberg, c'est à la fois un cachet cinéphile et moderne que Godard a donné à son film. Il cherche, avant de faire le film, pendant le film, puis il va réussir à trouver ce fameux ton qu'il cherche. Le ton français, on le disait, il est très, très, très très amoureux, comme tous les critiques des cahiers du cinéma, il aime le cinéma américain. Oui. Il a trouvé aux États-Unis ce qu'il appelle le ton américain, cette espèce de manière naturelle de faire du cinéma. Et c'est ça qu'il cherche. Il va le trouver. La meilleure façon de voir un peu à quoi ça va ressembler, ce ton-là, c'est d'écouter un extrait du film À bout de souffle. Qu'est-ce que tu fais? J'enlève ton chandail? Pas maintenant, Michel. Oh, tu es énervante, à quoi ça rime? Tu connais William Faulkner? Non, qui est-ce? Tu as couché avec lui? Mais non, mon coco. Alors je me fous de lui. Enlève ton jersey. C'est un romancier que j'aime bien. Tu as lu Les Palmes Sauvages? Je te dis que non, enlève ton chandail. Écoute, la dernière phrase est très beau. Between grief and nothing, I will take grief. Entre le chagrin et le néant, je choisis le chagrin. Et toi, tu choisirais quoi? Le chagrin, c'est idiot. Je choisis le néant. C'est pas mieux. Mais le chagrin, c'est un compromis. Faut tout ou rien. Puis maintenant, je le sais. Ça y est. Pourquoi tu fermes les yeux? J'essaie de fermer mes yeux très fort pour que tout devienne noir. Mais je n'y arrive pas. C'est jamais complètement noir. Ton sourire, quand on le voit de profil, c'est ce que tu as de mieux. Ça, c'est toi. Il y a une fraîcheur, une innocence, une candeur dans cet extrait. Mais c'est ça, au fond. Il le trouve, le ton. Je ne sais pas si c'est celui qu'il cherchait, mais en tout cas, il y a un ton. Un ton absolument unique à bout de souffle et à cet esprit des années 60 qui s'incarne dans ces dialogues-là. En fait, quand on voit À bout de souffle, on a vraiment l'impression que Godard a compris ou qu'il sait comment retransmettre ce que les jeunes vivent, qui ils sont véritablement, donc sans trafic, sans réécriture un petit peu lourde. Et c'est un peu, d'ailleurs, c'est la caractéristique de la Nouvelle Vague, parce que Truffaut, c'est un peu la même chose. Il va comprendre comment on parle de l'enfance, comment est-ce que les enfants parlent, etc. Lui, ça va être l'enfance. Godard, ça va être la jeunesse. Ouais. Et c'est effectivement dans le ton, dans les dialogues qui sont inventés chaque jour sur le tournage, donc que les acteurs se mettent en bouche de façon extrêmement spontanée, naturelle, libre, que Godard va réussir à faire ce film. De quelle manière ça change, ça réinvente d'une certaine façon? Il faut se remettre dans l'époque. Oui. Puis on revient là à cet apport de la Nouvelle Vague. De quelle façon ce film-là nous montre quelque chose que le cinéma français ne nous montrait pas? D'abord, il va dans les rues. Ce que le cinéma français avant lui ne faisait pas. Et ça, c'est grâce au directeur photo Raoul Coutard, qui va être choisi par le producteur Georges Beauregard, qui va être imposé d'une certaine façon à Godard. Mais quelle belle union! C'était écrit dans le ciel que ces deux-là devaient se rencontrer, parce que Coutard, en fait, revient d'Indochine en 59. Il a travaillé comme reporter de guerre. Donc, il a l'habitude d'avoir sa caméra à l'épaule. Il est constamment dans l'action. Et comme Godard est quelqu'un qui tourne extrêmement vite, il ne fait qu'une prise. Les deux ensemble, ça donne une espèce d'énergie absolument incroyable au film, au tournage, véritablement, qui se passe dans les années 59. Et grâce à Coutard, on va avoir l'impression d'un film d'un réalisme qui est complètement inédit, à la fois dans le cinéma français, mais même mondial en 1960. Et ça bouge, on est dans Paris avec eux, voilà. Vraiment. C'est très, très dynamique. Le tournage, en un mot, je le disais un peu plus tôt, le tournage en tant que tel, c'est une histoire, une aventure. Oui, ça se passe pas très, très bien, parce que, encore une fois, Godard est cette espèce d'électron libre qui n'en fait qu'à sa tête. Ouais. En tout, ça va durer 29 jours, ce qui est pas énorme pour un tournage de long métrage, sauf que ça va durer 29 jours parce que Jean-Luc Godard, de temps en temps, décide de ne pas venir sur le plateau, sans prévenir, de façon complètement erratique. Un jour, par exemple, il appelle le matin pour dire « Non, je suis malade, je ne viendrai pas ». Et en fait, le producteur apprend qu'il est à Rome pour assister à la première du film de Rossellini. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va faire les choses de façon impliquée quand même, parce que ça reste un film et que c'est important pour lui, mais on a toujours ce sentiment qu'il fait du cinéma peut-être comme un à côté ou de façon plus légère, plus irresponsable, mais toujours est-il que ce tournage va se passer de façon assez compliquée, même si heureusement Coutard, son directeur photo, le producteur, tous les gens qui sont sur place vont réussir à assurer la linéarité de tout ça. Et puis de fait, puis je reviens à ce que Belmondo disait, à l'étonnement en tout cas de Belmondo, mais peut-être d'une partie de l'équipe, ça sera un grand succès. Qu'est-ce qui explique ce succès immédiat d'À bout de souffle? Oui, c'est vrai que dès que le film sort, c'est immédiatement des prix un peu partout, le prix Jean Vigo notamment, un succès en salle énorme. Il faut dire que l'attente était énorme autour de À bout de souffle. Parce qu'il y avait ces rumeurs, évidemment. Ces rumeurs de, mon Dieu, un tournage qui se passe mal, c'est peut-être un film maudit, ça crée de la curiosité, c'est évident. Mais aussi parce que, je l'ai dit tout à l'heure, Godard, c'est un publicitaire. Il a travaillé comme attaché de presse à la Fox avant de faire À bout de souffle et il comprend extrêmement bien comment vendre son film, comment le mettre en marché. Donc, il va faire des choses qui sont assez inédites pour l'époque. Par exemple, il va ouvrir son tournage aux journalistes, donc déjà créer quelques attentes, ce qui ne se fait pas du tout à l'époque. Quand il va sortir le film, il va accompagner son dossier de presse, ce qu'on remet d'habitude aux journalistes pour les renseigner, d'un 45 tours, d'un roman photo, d'une bande dessinée. Effectivement, on a entendu la bande-annonce tout à l'heure avec le meilleur film actuel. Ouais. Tout ça crée des conditions qui font que les gens vont aller voir À bout de souffle parce que c'est l'événement dont on parle, c'est le film qu'on veut voir. Il en reste quoi de ce film aujourd'hui, Hélène Faradji? Il en reste une valeur symbolique extrêmement forte. C'est-à-dire, c'est vraiment le film qui peut-être n'a pas parti la nouvelle vague, mais l'incarne. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on veut faire comprendre la nouvelle vague à quelqu'un, c'est À bout de souffle qu'on lui montre. Mais c'est surtout un film qui va marquer de façon iconique l'histoire du cinéma, que ce soit par des détails comme l'habillement de Gene Seberg ou ses cigarettes, ou par ces jump cuts aussi, cette façon de réinventer le montage au cinéma en coupant les plans un petit peu plus tôt que d'habitude pour donner cette impression de vivacité. Cette façon aussi d'aller dans la rue qui va marquer de façon définitive le cinéma mondial et français. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, un Abdelatif Kechiche qui tourne ses films quasiment en direct, j'ai envie de dire, ça vient de Godard, ça vient d'À bout de souffle. Hélène Faradji, critique de cinéma, rédactrice en chef du webzine revue24images.com, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.